Bienvenue dans la suite. Reprenons là où nous nous étions arrêtés. Comment on gère ça? D'abord en comprenant que c'est normal de ressentir ça. L'émotion est une réaction naturelle. Puis en apprenant à la nommer, à la laisser passer. Enfin, à revenir vers le message avec la tête froide. Donc c'est aussi une compétence émotionnelle? Oui, c'est une grosse partie. Beaucoup de gens pensent que la rétroaction c'est cognitif, technique, mais c'est aussi affectif. C'est intéressant. Et vous disiez qu'il y a plusieurs dimensions à cette littératie? Oui, quatre principales. Les dispositions, d'abord, comme on vient d'en parler. Ce sont les croyances et attitudes. D'accord. Et les trois autres? Il y a la compréhension du processus. Savoir comment utiliser un commentaire, comment l'intégrer. Il y a la capacité à demander de l'aide, à clarifier. Il y a l'action, vraiment passer à la révision, à l'amélioration. Donc il faut les travailleurs, toutes les quatre? Absolument. Si tu manques une dimension, tu ne peux pas vraiment bénéficier de la rétroaction. Donnez-moi un exemple où une dimension manque. Imaginons un élève qui a de bonnes dispositions, qui croit au développement, mais il ne comprend pas vraiment le processus. L'enseignant lui dit quelque chose, il écoute, mais il ne sait pas comment s'y prendre pour changer. Ça reste bloqué. Ça reste bloqué, oui. Il faut lui enseigner le processus. Montrer étape par étape comment on prend un commentaire et on le traduit en action. Comment on fait ça en classe? Par la pratique, régulièrement. On pourrait faire un exercice où on reçoit une rétroaction faite et on la traite ensemble. L'enseignant pense à haute voix. « Ok, j'ai reçu ce commentaire. D'abord, je vais le relire pour bien le comprendre. Ensuite, je vais identifier ce qui est le plus important. Puis, je vais noter les actions concrètes. » Vraiment le détailler. Oui, ensuite, les élèves font la même chose avec votre soutien. Progressivement, ça devient une habitude. Et en termes de progression, ça se joue comment entre le fondamental et le secondaire? Au fondamental, comme on dit, on pose les fondations. Les dispositions, surtout, on crée un climat où l'erreur est acceptable et l'amélioration possible. Au secondaire? On raffine. On travaille les compétences plus techniques. Par exemple, en S1, on peut enseigner comment décoder précisément un commentaire écrit. En S2, comment gérer plusieurs commentaires à la fois. En S3 et S4, on va vers des compétences plus autonomes. Donc c'est un continuum. Exactement. Pas une compétence qu'on apprend en un jour, mais quelque chose qui se construit progressivement. Et dans la pratique, vous avez vu des différences dans les classes où on enseigne vraiment ça? Les élèves progressent plus vite. Ils sont moins découragés face aux critiques. Et surtout, ils deviennent plus autonomes. Pourquoi autonomes? Parce que quand tu sais utiliser la rétroaction, tu peux t'améliorer toi-même. Il n'a plus besoin que quelqu'un te dise exactement quoi faire. Tu sais comment y arriver. C'est ça qui développe l'esprit critique, c'est ça? Oui, c'est exactement lié. Pour avoir un esprit critique, il faut pouvoir recevoir une critique, la peser, décider si elle a du sens et l'intégrer. C'est la rétroaction en action. Alors, être critique, c'est aussi savoir évaluer sa propre rétroaction. Voilà, ce commentaire a du sens. Est-ce que je suis d'accord? Quels éléments je vais prendre en compte? Ça, c'est l'esprit critique. Et sans cette compétence, comment on réagit? On réagit de manière binaire. Soit on accepte tout sans réfléchir, soit on rejette tout d'office. Il n'y a pas de sélection, pas de réflexion. C'est problématique pour la formation d'un esprit critique. Très problématique. Parce qu'un esprit critique, c'est être capable de recevoir, de traiter, d'évaluer. La rétroaction, c'est un terrain d'entraînement parfait pour ça. Donc c'est un préalable, comme dans votre titre. C'est un préalable indispensable, oui, je dirais même plus. Sans littératie à la rétroaction, on ne peut pas vraiment développer d'esprit critique robuste. C'est une affirmation forte. Oui, mais c'est soutenu par la recherche. Quand les Zeboud, qui ont travaillé sur ce modèle, ils insistent là-dessus. La rétroaction, c'est le cœur du processus d'apprentissage réflexif. Et l'interaction, vous mentionniez ça? L'interaction autour de la rétroaction? Oui, C'est pas juste que l'enseignant parle et l'élève écoute. Il faut un dialogue. L'élève doit pouvoir poser des questions, clarifier, discuter. Pourquoi c'est important? Parce que la rétroaction, si elle est unidirectionnelle, elle reste une opinion. Mais si c'est un dialogue, ça devient une compréhension partagée. Vous me donnez un exemple? L'enseignant dit c'est pas assez développé. L'élève peut demander comment je sais si j'ai assez développé ou me montrer où, et là, il y a du vrai apprentissage. L'élève comprend le standard. Exactement. Et pas seulement une fois, mais à travers un vrai dialogue. Il voit ce qui compte vraiment. Et ça change quoi pour l'esprit critique? C'est fondamental, parce qu'un dialogue, c'est aussi une occasion d'exprimer ses doutes, ses objections. Peut-être que l'élève pense que le commentaire n'est pas juste. Dans un dialogue, il peut le dire. C'est tout pour cet épisode. La suite au prochain. À très bientôt.